Il y a un certain milieu que, bon, je peux pas qualifier ça de secte parce que c'est plus un espèce, on pourrait appeler en guillemets un mouvement qui est diversifié jusqu'à un certain point parce qu'on trouve que ça va d'un extrême à l'autre. Une des choses qui fait que je me suis tout le temps tenu loin, c'est qu'il n'y a jamais de juste milieu quasiment, ou c'est très rare, où ceux qui ont réellement du discernement sont portés à se taire. Donc là, l'affaire, par rapport à ce qui se passe, il n'y a jamais de juste milieu. Nous avons affaire à un être insignifiant, une marionnette, à qui soit qu'on va le polariser totalement dans le négatif, soit on va le polariser totalement dans le positif, puis dans les deux cas, à mes yeux, c'est une erreur. Il y a une certaine partie qui vont dire que Donald Trump est l'antéchrist. Or, antéchrist, c'est un terme eschatologique, puis il faut être cohérent. Trump ne peut pas être l'antéchrist, un antichrist peut-être, mais il ne peut pas être l'antéchrist parce qu'il est d'ascendance à la fois allemande et écossaise, puis il peut décemment pas être considéré par certaines communautés comme le Machia, donc il est éliminé tout de suite. C'est pas lui, ça peut pas être lui. Puis, est-ce que ces prophéties-là sont réelles ou pas, ça c'est une autre question. Mais, aussi, il y a le fait qu'il est beaucoup trop vieux. Il est beaucoup trop vieux, il aura jamais le temps d'aller s'asseoir dans un troisième temple éventuellement, puis se présenter comme roi du monde. Aussi, lorsqu'il s'endort, oui, quand je parle, quand il s'endort, oui, il s'endort, il s'endort, c'est un vieux monsieur. Personnellement, je considère qu'il y a des signes d'ACV, d'accidents cardiovasculaires cérébraux, parce que qu'il y a eu là, des tout petits, je parle. Pourquoi? Parce que quand il s'endort, il y a une partie de son visage qui s'affaisse. Faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Eux-mêmes, ils arrivent plus à le cacher, puis c'est quelque chose qui peut pas réellement être simulé en direct, là. Donc, que ce soit par rapport au discernement, par rapport aux femmes, je me suis souvent fié à ce que des femmes autour de moi me disaient. Mais il y a beaucoup de femmes qui veulent pas se fier au discernement d'hommes par rapport à des hommes qui réalisent pas qu'elles ont des angles morts. Elles vont se fier souvent des fois à des hommes que moi je considère comme castrés. Préparez-vous à tomber des nues. Préparez-vous à tomber des nues. Ça achève là jusqu'à un certain point, semblait-il. Donc, va falloir passer à autre chose à un moment donné. Moi, ce que je dénonce, c'est quoi? C'est une arnaque. C'est ça que je dénonce. C'est tout. Il y en a, oui, ont passé avec brio certains tests, on peut dire, les dernières années, comme le COVID puis tout, mais rendu à Trump, ils le passent pas. Ou bien, il y en a, ils ont passé le test de Trump, mais ils n'ont pas passé l'autre avant. Puis finalement, on aboutit à quoi? On aboutit à n'importe quoi. Au moins c'est drôle, on peut quand même rire un peu. C'est pas de rire du monde. De toute façon, c'est de rire du fait que le monde va rire d'eux jusqu'à un certain point. Tout ça, c'est de l'arnaque, tout le temps. Tout le temps. Il n'y a rien de. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, là? Il y en a, ils viennent me parler de venir. Puis vous le savez que j'en ai rien à faire de ces affaires-là. Qu'est-ce qui va avoir une résultante concrète? Qu'est-ce qui va avoir une résultante concrète? C'est pas des choses comme ça, là. C'est de l'ordre presque du divertissement, si on peut dire. Pour pas dire de la diversion.